La sincère. Veux-tu l'acheter? Mon cœur est à vendre. Veux-tu l'acheter sans nous disputer? Dieu l'a fait dément, tu le feras tendre. Dieu l'a fait dément pour un seul amant. Moi j'en fais le prix. Veux-tu le connaître? Moi j'en fais le prix. N'en sois pas surpris. As-tu tout le tien? Donne. Et sois mon maître, as-tu tout le tien pour payer le mien? S'il n'est plus à toi, je n'ai qu'une envie. S'il n'est plus à toi, tout est dit pour moi. Le mien glissera, fermé dans la vie. Le mien glissera, et Dieu seul l'aura. Car pour nos amours, la vie est rapide. Car pour nos amours, elle a peu de jours. L'âme doit courir comme une olympide. L'âme doit courir, aimer et mourir.